À force de se répéter qu'on est fait l'un pour l'autre, j'ai l'impression qu'on est devenu presque incompatible. Je crois que c'est clair qu'on patine, mais qu'est-ce qu'on perd quand on part? Un tunnel rempli de fumée, je me sens pire qu'un ton, car rester le même jusqu'au platine. Peut-être que je vais prendre un platane. Dessin tranché comme mon frère qui découpait toute la cam. J'ai fait des tonnes de faux pas, j'ai fait des tonnes de faux bons. Mais aujourd'hui ça devient rare comme voir tomber des flocons. J'ai vu mon frère perdre sa daronne. Et le soir dans le noir, j'aimerais savoir ce qu'il se demande. À quoi ressemblent ces journées, l'impression d'être seul au monde. Quand triste est ta vision, est-ce que ta dernière sera la bonne? Des tonnes de questions. Donc ce soir je coupe la belvédère à la pomme. Et la mort j'y crois plus trop, je veux plus y signer. On s'aimera les beaux jours mais on se détestera in fine. Vu qu'on aime avoir mal, on attendra le premier choc. La première balle, celle qui testera les filets. Les gens normaux s'endorment le soir. Moi je suis seul dehors, je fais les 400 pas. Je crois bien qu'en fait je suis bien sans toi. Heure du décès, 2h50. Quand mon cœur s'est lassé de voir t'attendre, je pensais bêtement que tu reviendrais pas. Dans le passé t'as tout manqué, pour le futur t'es tourmenté. 2h50 pétante, il est bien trop tôt pour entrer. Absent au bal de mes démons, là-bas c'est Bresson. Pour écrire, j'appuie là où j'ai mal et je mets des mots sur ce que je ressens. Des fois je veux pas mentir, alors des fois je dis pas à tout. Mais j'ai appris qu'être sincère c'est mieux qu'avoir du bas à goût. Avant de devenir la plus belle page de ton livre, je sers de brouillon pour la biatch dans mon lit. Emmène-moi loin, je sais pas où faut qu'on mette l'encre. Et j'avoue jamais les victoires, je me dis je fais quoi maintenant. Parfois je peux pas me voir en face comme dans un photomaton. Et parfois je m'étonne de m'aimer avec autant d'aplomb. Fallait que je comprenne notre belle histoire, je la regarde avec des yeux d'enfant. J'ai enfin décrypté les formes que dessinaient tes cheveux dans le vent. Parfois je brûle dans tous les sens, je me comporte comme le feu dans le vent. En vrai je me rappelle plus si on était si heureux dans le temps. Les gens normaux s'endorment le soir. Moi je suis seul dehors, je fais les 400 pas. Je crois bien qu'en fait je suis bien sans toi. Heure du décès, 2h50. Quand mon cœur s'est lassé de devoir t'attendre, je pensais bêtement que tu reviendrais pas. Les gens normaux s'endorment le soir. Moi je suis seul dehors, je fais les 400 pas. Je crois bien qu'en fait je suis bien sans toi. Tu décès, 2h50. Quand mon cœur s'est lassé de voir t'attendre, je pensais bêtement que tu reviendrais pas.